Everypod. Les modèles sont pour Robin un motif de phobie, comme vous le savez depuis l'épisode 141, le petit hors-série de podcast science que David avait sournoisement mis en ligne cet été. Pourtant, la modélisation et la simulation numérique nous permettent aujourd'hui de nous assurer de la validité de nos théories, de bénéficier d'une puissance de calcul inouïe pour comprendre la réalité qui nous entoure, tester des phénomènes intestables, faire des milliards d'économies. Mais Robin a raison de s'inquiéter. Les modèles présentent aussi leurs limites. Ce soir, c'est notre auditeur David Loureiro qui s'y colle. Vous saurez tout ce que vous n'avez probablement jamais pensé à demander sur les modèles, les simulations, leur fonctionnement et leurs limites. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2013 et c'est l'épisode 155. Vous êtes sur Podcast Science, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette émission, le dossier de David Loureiro sur la modélisation et la simulation numérique. Le teaser de Marie de l'émission de la semaine prochaine. Une quote. Un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière. Un petit plug. Et les dessins habituels de Nicotube, s'il arrive à temps. Ouais, s'il se décide à venir, parce que là il est au bureau, il fait semblant de travailler. Mais peut-être qu'il va finir par dessiner. Petit tour de table donc pour présenter tout le monde. À Limerick, on a David qu'on va appeler Xil ce soir pour éviter les confusions. Salut Xil. Tout à fait, salut. À Paris, on a donc Nicotube de loin. Je ne sais pas s'il dit bonjour. Il dit bonjour Nicotube. Et sois gentil, donne la papate, dis bonjour. Non, il ne dit pas bonjour. On a Robin, et puis Robin m'héberge. Je me trouve aussi à Paris. Salut Robin. Salut. Et puis à Lyon, on a notre guest star d'un soir, notre auditeur David Loureiro. Salut David, bienvenue. Salut Alan, bien, bonjour à tous. David, tu peux, donc nous on te connaît à force d'échanger sur Twitter, mais tu peux te présenter en quelques mots, nous dire où tu es, ce que tu fais dans la vie. Je fais presque comme Nicotube, je dirige une start-up que j'ai créée avec deux chercheurs avec qui j'ai travaillé quand j'étais encore ingénieur. Et j'ai une formation en mathématiques appliquées. Donc, c'est aussi un peu pour ça que ce genre de sujet m'intéresse. J'ai plus trop l'occasion de les aborder dans le cadre de mon travail. Donc, ça me fait l'occasion de replonger dans les choses que j'avais pas eues depuis longtemps. Ok. Bon, on les critique beaucoup, ils nous fatiguent énormément, mais au fond, on aime bien les matheux quand même sur Podcast Science. Ouais, je me permettrais pas de dire que j'ai quand même le même niveau en maths que ceux qui est autour de la table, mais bon. Bah, suivant lesquels tu cours pas moins que grand risque. Alan, je pense que ouais, c'est ça. Bon, nous on sait faire une addition quoi. Arrêtez de croire que je suis fort en maths. C'était drôle d'ailleurs. En arrivant chez Robin, j'ai parcouru la liste des noms sur les sonnettes. Il y avait un gallois. J'ai failli sonner là. Allez comprendre l'association d'idées. David, dis-nous, c'était pas trop pénible de préparer un dossier pour Podcast Science? On t'a fait souffrir? Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Je me souviens que la première fois on en avait parlé, c'est dans la chatroom d'un épisode, mais alors je sais plus lequel. Puis on a échangé ensuite en Skype, je crois, et puis je sais pas, c'était 11h30, je crois, puis je me suis mis à commencer des trucs là-dessus jusqu'à 1h du matin, et puis j'ai fait plutôt ça la nuit, en fait. Ouais. Comme hier ou avant-hier, je sais plus, jusqu'à 4h20. C'est ça, t'es un bon vrai matheux, bien dans le moule des matheux de Podcast Science. On est assez bien dans le rythme. Ok, et puis donc, ça s'est passé comment? T'as rédigé ton dossier, puis ensuite on t'a un peu torturé, c'est ça? Ouais, mais pour la bonne cause. C'était bonne remarque. Peut-être aussi une recherche d'une explication un peu plus simple que ce que je pouvais mettre, que j'avais pu mettre au départ, qui était peut-être un peu trop compliqué, je dirais. Ouais. C'est pas plus mal, c'est cool. Bon, bah c'est parfait, écoute, on va arrêter de teaser et puis on va écouter ce que tu as à nous dire. Donc, ça a déjà été expliqué de manière détaillée dans différents podcasts. Pour comprendre le monde qui nous entoure et arriver à savoir ce qui nous a amené où nous en sommes, et arriver à prévoir ce qui va arriver, il est nécessaire de modéliser. J'ai trouvé un certain nombre de définitions de ce que peut être un modèle, et elles diffèrent quasiment toutes en fonction des domaines d'études, mathématiques, économie, physique, etc. Ce qui en ressort, de mon point de vue, c'est que le but du modèle, c'est de représenter la réalité en éliminant les détails difficiles à reproduire, ou n'étant pas importants pour la simulation ou la résolution des problèmes sur lesquels on travaille, et en se concentrant sur les éléments qu'on juge importants pour l'étude, notamment dans le podcast, dans l'épisode de Robin sur les objets mathématiques. sur l'origine des objets mathématiques. Je pense qu'il l'expliquait assez bien quand il parlait des ponts de Königsberg. L'important, finalement, pour ce qui nous préoccupait, c'était uniquement le graphe, le modèle, et pas la réalité, les ponts, les rues, les cabines téléphoniques, parce que finalement, il réduit la réalité aux seuls éléments importants pour l'étude qu'on souhaite faire. Un point qui est important de bien mentionner, c'est le fait que le modèle ne constitue pas la réalité, ça le représente uniquement, ça je le redirai sûrement un peu plus loin. Il y a un adage qu'on connaît la plupart d'entre nous, je pense, d'un certain Alfred Korzybski, je savais pas que c'était de lui, c'est Wikipédia qui me l'a dit, la carte n'est pas le territoire. Donc je pense que ça représente bien cette idée que le modèle n'est pas la réalité. C'est pour ça que les modèles n'ont pas forcément besoin d'être le plus précis possible ou intégrer tous les phénomènes possibles et imaginables. Pour étudier le comportement d'un fluide par exemple, donc en l'occurrence c'est l'air, autour d'une aile d'avion, on s'intéresse uniquement à l'écoulement de l'air autour du profil de l'aile. La forme globale tridimensionnelle de l'aile, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ainsi, le modèle va être notamment une coupe transversale de l'aile autour de laquelle l'air va s'écouler. On va ensuite observer le comportement de l'écoulement et en fonction de différents paramètres, donc principalement la vitesse de l'air, la vitesse de l'avion par rapport à l'environnement, l'altitude, la forme de l'aile et d'autres conditions un peu plus complexes, est-ce qu'il y a de la pluie, etc. Et donc finalement, le modèle, dans ce cas-là, il va être constitué du profil de l'aile en lui-même et des lois qui vont régir le fluide, l'air en l'occurrence, qui va s'écouler autour de cette aile. Parce qu'en fonction des régimes, entre guillemets, quand on parle d'un avion, on va pas avoir les mêmes lois, même si c'est toujours le même profil d'aile. Et donc le comportement de l'air va pas être le même. Il est important de comprendre aussi que les modèles ont leur domaine de validité. De la même manière que la relativité générale et la mécanique quantique ont leur domaine d'application respectif, au-delà desquels elles ne s'appliquent plus. Donc c'est un peu ce que je venais juste de dire. Les modèles permettent ainsi l'étude de la réalité dans un cadre défini, dans lequel ils la représenteront bien, et dans lequel nous aurons des données qui les valideront. Et c'est grâce à cette validation qu'on pourra considérer les modèles fiables. Ils permettront de reproduire les phénomènes réels, dans ce cadre défini, bien sûr, et ils pourront être utilisés pour la simulation et la prédiction. Donc, comme Alan l'a dit, c'est vrai qu'il y a eu un échange dans un hors-série sur les modèles. Est-ce que vous avez un point de vue ? C'est ce que tu viens d'expliquer. Quand Alan parle de phobie de modèles, c'est pas vrai du tout. J'ai pas du tout une phobie des modèles. J'ai une phobie des gens qui pensent que leur modèle est la réalité ou décrit parfaitement la réalité, c'est tout. Et ce que tu viens de dire, ça me va très très bien. On fait des modèles et on dit, dans une certaine mesure, ça fonctionne. Mais juste dans une certaine mesure. Et après, la question, c'est dans quelle mesure, dans quel cadre, jusqu'où, etc., etc. Et voilà, donc c'est vrai que le modèle ne décrit une situation que dans du point de vue qui nous intéresse et avec une certaine limite, quoi. Donc c'est juste ça. Sinon, j'ai aucun problème avec les modèles, en fait. Perso, ce qui va m'intéresser, c'est une forme bien particulière de modélisation qui est celle de la sélection naturelle. Mais je rejoins tout à fait ce que tu précisais sur l'aspect toujours partiel de la nature des modélisations, parce que ça s'applique aussi assez bien à ces simulas, dans le sens où on va pas du tout simuler de la même manière la sélection naturelle si ce à quoi on s'intéresse ça va être par exemple la modélisation de l'altruisme ou si on va s'intéresser à l'évolution de la complexité ou si on va s'intéresser au common good ou ce genre de choses. Et puis aussi bon, quand on fait ce genre de simu, il va bien évidemment être complètement impossible de simuler des êtres vivants complètement réalistes avec une modélisation de la physique complètement réaliste. Enfin, on imagine immédiatement que ça demanderait des capacités de calcul qu'on est très très loin d'avoir avec les ordinateurs actuels. Et non seulement ça, mais encore faut-il croire que ça soit possible. Je veux dire, c'est pas évident qu'on peut tout modéliser. Oui, de façon, si on simplifie, c'est aussi parce que si on prend tous les paramètres, ce que je veux dire, c'est dire dessus. Enfin, au niveau de ce dont je te parle, on n'essaye même pas parce que même si c'est possible. Théoriquement, je veux dire, c'est évident qu'on n'a pas la puissance de calcul pour simuler ce genre de choses. Oui, mais même si c'était possible, je... Bon, les amis, bon, vous n'allez pas vous battre. On écoute David, tu peux enchaîner. Donc l'intérêt des modèles, dès qu'ils sont corrects, c'est de pouvoir permettre différentes choses, donc la simulation des phénomènes qui sont censés modéliser. Comment est-ce que se comportent ces modèles dans le futur, ou comment est-ce qu'ils se comportent quand ils sont soumis à des contraintes spécifiques. Ça permet aussi de simuler des interactions entre différents phénomènes, où il est nécessaire de savoir comment ils interagissent. La météorologie, typiquement, l'étude du climat, on fait interagir un modèle pour l'océan et un modèle pour l'atmosphère. Et l'idée, c'est de savoir comment, justement, voilà, l'océan va interagir sur le temps, typiquement. Ça permet aussi de valider que les modèles représentent bien ce qu'ils sont censés modéliser, parce que voilà, on peut avoir un modèle le plus beau du monde si les simulations qu'on réalise avec lui nous donnent des choses qui sont totalement farfelues. Bah, finalement, ils modélisent pas si bien ce qui est censé modéliser. Donc, comme l'explique Wikipédia, en fait, ce qu'on appelle une simulation, ça correspond à l'ensemble formé par le modèle, les paramètres et les contraintes et les résultats obtenus. On va dire qu'il y a deux grands types de modèles. Il y a les simulations qu'on appellera analogiques, qui en fait correspondent à des maquettes, des prototypes, comme les essais ou les tests et les manœuvres. Et puis, on a, de l'autre côté, des simulations dites numériques qu'on fait sur l'ordinateur. Ce qu'il y a, c'est que les simulations analogiques, les expérimentations, etc., pendant très longtemps, ça a été le seul type de simulation qui était à disposition des scientifiques. Grosso modo, jusque dans les années 50, on avait assez peu d'outils informatiques. Ça a quand même permis de reproduire et de comprendre un grand nombre de phénomènes en laboratoire. Et ce qu'on a tendance à appeler plutôt les simulations numériques, ça va être les équations. Et aujourd'hui, ce terme s'applique essentiellement aux modèles et aux simulations qu'on réalise sur ordinateur basées sur ces équations. En fait, la simulation numérique, elle est apparue grâce à la conjonction de deux facteurs. Dans certains cas, en effet, la simulation analogique, a été compliquée. Lorsqu'on étudiait des problèmes multiphysiques en aéronautique notamment, qu'on avait de l'eau, de la glace, de l'air, des ailes avec des profils spécifiques, qu'on était obligé de tester des techniques de dégivrage et de l'impact des ailes, tout ça sur le vol, on en arrivait à des expériences très complexes à réaliser en laboratoire. Ça peut être aussi pour des raisons où finalement ces expériences sont chères à mettre en place, parce que les objets d'étude ils sont onéreux. Un avion ou des voitures, ça coûte plusieurs milliers d'euros, on peut pas forcément se permettre d'en bousiller des grands nombres pour tester ce que ça donne quand il y a des crashs. Ou alors aussi quand les matériels ou les équipements nécessaires pour faire ces expériences sont chers. Typiquement, le LHC, c'est une machine qui coûte très cher pour tester la physique des particules. Il y a aussi le cas où les simulations, les expériences analogiques, finalement, elles sont longues à réaliser. C'est avec les durées nécessaires pour observer les phénomènes, peuvent être longues, certaines réactions chimiques, ou alors carrément étudier l'évolution génétique. La préparation des expériences peut être aussi compliquée, parce que finalement, on passe plus de temps à préparer l'expérience qu'à la réaliser. Dans le cas où typiquement le matériel est extrêmement rare, comme certains matériaux qu'il faut prendre du temps pour synthétiser, pour en synthétiser une quantité suffisante pour faire les tests. Ou alors, voire impossible, typiquement il est assez compliqué de simuler l'univers, donc ça c'est le genre de choses qu'on ne fait vraiment finalement qu'à travers la simulation. Et puis il y a aussi, l'apparition des ordinateurs dans les 5 dans les années 50, l'intérêt c'était vraiment que ça permettait de reproduire de manière systématique et en grande quantité les expériences avec les modèles qu'on avait. Alors, pour revenir encore sur ce qu'on disait juste avant, la simulation numérique, on étudie autre chose que le réel, il faut être clair sur le sujet. Quand on utilise un ordinateur pour simuler, on est obligé de mettre en place un modèle théorique, informatisé. Et comme on ne peut représenter le réel grâce à des ordinateurs, on travaille sur des nombres finis d'éléments, on travaille sur les approximations du réel, on va essayer de les rendre les plus fidèlement. On va typiquement faire ce qu'on appelle de la discrétisation. Donc discrétiser, ça signifie finalement passer du continu. Une ligne contient un nombre infini de points. Je renvoie encore à un épisode de Robin sur la question. Donc si on regarde bien, en fait, donc on parle de discrétisation quand on fait des simulations, mais de la même manière, on ne mesure pas le réel de manière exacte, on mesure vraiment de manière approximative, avec une certaine précision qu'on juge satisfaisante. Quand on prend notre double décimètre, qu'est-ce qui nous assure qu'on a effectivement bien un centimètre ou un millimètre, finalement, voilà. On a aussi une approximation dans ce cadre-là. Tout à fait. Donc un gros travail qui va être indispensable de réaliser, ça va être de s'assurer que les modèles que l'on utilise sont assez fidèles pour ce qu'on souhaite utiliser, que la précision qu'on recherche est suffisante par rapport à celle que l'on a lorsqu'on étudie le réel. Finalement, pour peu qu'on soit conscient des limites des simulations, qu'on les utilise de manière raisonnée, donc avec des grosses causes, et dans les bons contextes, avec toujours un œil critique sur les résultats qu'on obtient, elle peut être un bon outil pour les chercheurs et les ingénieurs dans le cadre de leur recherche. Un bon exemple d'un domaine où l'expérimentation et les tests finalement coûtent cher, on a cherché à mettre de la simulation numérique assez tôt, c'est celui de l'industrie de l'aéronautique. Pour faire des simulations analogiques, dans le domaine, on dispose grosso modo de grands moyens. On fait des tests en soufflerie, par exemple, ou en conditions réelles. Test en soufflerie, l'idée, c'est de tester l'écoulement des fluides autour d'éléments dont on veut comprendre le comportement. On se sert assez souvent de fumée, en fait, pour voir, entre guillemets, les écoulements. On peut instrumenter les éléments testés. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, ces objets sont équipés de capteurs qui vont permettre de connaître différentes grandeurs physiques qu'on souhaite étudier, la température, par exemple, autour de l'aile, la pression qui est imposée au-dessus ou sous l'aile, pour arriver à comprendre en fait les contraintes auxquelles ils sont soumis et finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette aile. Tester des ailes en soufflerie, c'est bien. Par contre, quand on commence à tester des choses un peu à taille réelle, il faut qu'elles soient assez grandes. Tester des voitures, il faut commencer à avoir des souffleries assez grandes, donc il y a assez peu de constructeurs qui peuvent forcément se permettre d'en avoir. On va aussi devoir faire un grand nombre d'essais pour arriver à tester différentes conditions qu'on souhaite observer. Et il est même compliqué, voire impossible, de tester des avions en soufflerie grandeur nature, parce qu'ils sont trop volumineux et on ne peut tester que des composants. Ouais, on imagine ou alors on fait des réductions. Ouais. L'Airbus ouais, A320 dans la... Voilà. Bah, typiquement, la 380, quand il décolle, je crois que c'est le bout de l'aile qui se déplace de 3 étages. En termes de... Donc c'est vrai que c'est le genre de choses. 3 étages dans une soufflerie, ça fait beaucoup quand même. Donc finalement, certaines composantes des écoulements vont pouvoir être testées. Et on peut en effet envoyer des filets de fumée afin de pouvoir voir comment ils se comportent. On voit donc que ça peut devenir compliqué de tester des conditions extrêmes de vol. Des températures basses, des écoulements d'air, des gouttelettes d'eau pour simuler des nuages par exemple. En grandeur réelle, c'est encore plus complexe, parce qu'il est nécessaire de construire typiquement des avions en taille réelle qui puissent être pilotés, et ça coûte extrêmement cher. Je dis pas que c'est jamais fait, mais dans une certaine mesure, en fait, on ne peut tester que finalement que des comportements pas trop critiques, et on peut pas s'en servir comme source principale d'information pour connaître le comportement des avions. Typiquement, si on se rend compte qu'il y a des failles majeures dans les designs, à la simulation, c'est vrai que ça évite peut-être d'avoir à tester les avions en réel et puis finalement qu'il y ait un crash, quoi. Donc ça paraît indispensable, au moins dans ce domaine, de pouvoir simuler sur ordinateur des avions pour comprendre ce qui se passe. Et une fois que tout est validé par la simulation numérique, il est temps de passer finalement à des tests de vérification. Dans ces cadres-là, après on va tester en vol et on va valider que ça correspond bien à ce que l'avion va faire de manière plutôt globale. Donc, comme je disais, hein, je ne parle pas des crashs, là, c'est complètement impossible de les tester en vrai, comme on peut le faire, par exemple, des fois pour des voitures ou pour des camions, pour tester typiquement les équipements de sécurité. Mais bon, l'aéronautique, ça reste un domaine où l'expérimentation, même si elle reste chère, est possible. Il y a des domaines où faire des simulations analogiques, c'est tout bonnement impossible. Un de ces domaines-là, c'est par exemple la météorologie. Donc là, la simulation, elle est indispensable. C'est assez compliqué d'arriver à reproduire du temps pour voir finalement ce qui se passe. L'idée ici, c'est plutôt de prévoir ce qui va se passer. Réaliser des tests à échelle réduite, ça ne me semble pas possible, ni même pertinent. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Bah, ouais, déjà, j'imagine assez mal comment est-ce qu'on pourrait recréer un climat et le tester à l'échelle locale. Enfin, ça semble compliqué. Après, moi, je suis toujours impressionné par. Je sais que par exemple, il y a des gens qui ont réussi. C'est un domaine différent, mais ça reste un phénomène relativement complexe. Qui ont réussi à créer en laboratoire les avancées des dunes de sable, tout simplement en les mettant dans la flotte, parce que du coup, ça, tu réduis l'échelle et on voit les dunes de sable avancer en tout petit dans le laboratoire. Comme elles sont dans la flotte, les phénomènes de frottement, d'avancer avec le vent, etc., etc. sont extrêmement réduits. Donc ça tient dans une boîte, quoi. C'est assez impressionnant, dans un aquarium. Ouais. La météo, c'est vrai que c'est très compliqué, mais je suis assez admiratif quand même de ce que les types arrivent à faire. Il y a aussi les tornades aussi peuvent être testées en laboratoire. Un peu avec le même, un peu avec le même principe, quoi. Donc pour le coup, je crois que j'avais vu une vidéo. Là. Mais bon. La météo complète, ça a l'air très compliqué, mais enfin, quand on voit ce qu'on arrive à faire, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Et en fait, surtout que quand on souhaite faire des simulations, on va dire, pas forcément précises, mais tout du moins le plus fidèle possible, c'est vrai que simuler l'atmosphère, il faut simuler son interaction avec les sols, avec l'océan, l'impact de la nuit et du jour. On peut rajouter à ça énormément de phénomènes, typiquement la pollution qui peut agir aussi sur la météo. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être intégrées dans les modèles. Alors quand on parle de météorologie, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui tiquent un peu, qui disent que c'est pas une science. C'est vrai qu'on observe souvent chez nos chers présentateurs des annonces catastrophiques de pluie en Bretagne, et puis il y a toujours un Quimpérois qui vient nous dire bah non, finalement il faisait grand beau ce jour-là, ils en auront la crêpe. Et c'est vrai que les prévisions au-delà des 24 heures, au moins 3 jours, voire plus, ça devient compliqué. On verra un peu plus loin pourquoi. En fait, ça vient de deux grands phénomènes. Le premier, c'est la discrétisation et le maillage qu'on choisit. Donc la discrétisation, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait de découper en petits éléments géométriques les domaines qu'on étudie. Alors, pour réaliser des simulations, sur un ordinateur, c'est un système digital qui fonctionne par étapes discrètes. On n'a pas le choix, on est obligé de discrétiser, de produire un maillage. Mmh. Et on aura finalement, aux intersections de ce maillage, les endroits où on va chercher les valeurs de la température notamment, pour faire simple. Sauf que pour simuler tout un pays, voire plus, il faut pouvoir prendre en compte la mer ou les montagnes, etc. Donc de grands territoires, et c'est compliqué. Et afin de faire vite, finalement, assez souvent, la distance entre deux points où on veut savoir la température, par exemple, ça peut être de plusieurs kilomètres. Le problème, c'est qu'on a assez souvent des microclimats qui peuvent avoir des impacts forts, ou des orages, par exemple. Et finalement, pour résoudre cela, on va faire ce qu'on appelle de la paramétrisation de maille, c'est-à-dire qu'on va ajouter des bouts de modèles à des échelles plus basses, qui vont prendre en compte certains phénomènes. Donc, comme on le disait, les orages, par exemple, ou des aspects plutôt liés aux montagnes, avec avec un côté où il fait plus froid, le côté où il fait plus chaud. Donc voilà, certains phénomènes de ce type. Est-ce que ça peut être des trucs genre la pollution d'une ville ou ce genre de choses ou... On peut intégrer beaucoup de choses. On peut intégrer énormément de choses. Ouais, en effet, il y a ça, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde a suivi pour l'instant, mais Ouais, jusque-là, hyper clair, pas de souci. Semble assez clair. Il pleut toujours en Bretagne, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Non, je... Ouais, il y a d'autres stéréotypes comme ça. Il y a Saint-Étienne, pas très loin de Lyon, et c'est souvent ce que disent les Lyonnais, c'est que quand on rentre dans le département, eh bien, en fait, on a un mur de brouillard, et puis la neige, et que c'est pour ça qu'ils sont tristes, les gens à Saint-Étienne, mais bon, là, je troll un peu mes amis stéphanois. Fort que Tchernobyl qui passe par la frontière, ça. Voilà, ouais, c'est pareil. Donc, je peux vous donner des ordres d'idées de maillage. Tout à l'heure, je parlais de plusieurs kilomètres. Donc, pour faire de la météo, ce que nous dit Wikipédia, alors il y a grosso modo différents organismes qui font des simulations. Il y a l'IFS notamment, l'Integrated Forecasting System, qui est tué par le Centre européen de prévision météorologique, donc qui est situé à Reading, en Grande-Bretagne. Il donne une prédiction pour l'Europe avec une maille mondiale. Donc la maille, ce qu'on entend par maille, c'est la taille en fait du côté d'un élément. Donc si on discrétisait une droite, en l'occurrence, ça serait la distance entre deux points. Mmh. Donc elle fait 25 km de côté. Donc qu'est-ce que ça fait quand même, ça fait des sacrées distances. Donc, oui. On a une idée de la température tous les 25 km en gros, c'est ça? Voilà, ouais. Mmh. Ouais. On a les paramètres tous les 25 km. Donc Météo France, de son côté, ils utilisent plutôt... trois modèles numériques en fait qui s'emboîtent entre guillemets parce qu'ils sont à des échelles différentes. Mmh. Le premier, c'est ARPEGE, qui est un acronyme pour Action de Recherche Petite Échelle Grande Échelle. Il utilise les résultats de l'IFS et il refait le calcul avec une maille de 25 km cette fois-ci, mais sur la France. Mmh. Pour une échéance de 1 à 3 jours. ALADIN, donc, est un deuxième modèle qui signifie R limité et adaptation dynamique, qui reprend les résultats pour l'Europe aussi, avec une précision de 10 km. Donc déjà, on est avec une maille plus fine, donc avec des résultats a priori plus précis. Et depuis 2008, il y a un autre modèle, un troisième, qui s'appelle AROM, pour application de la recherche à l'opérationnel à méso-échelle. Des termes un peu compliqués, mais par méso, on entend échelle intermédiaire, en fait. Il calcule sur une maille de 2,5 km. Donc c'est 100 fois plus précis que le modèle ARPEGE, et près de 16 fois plus qu'ALADIN. Donc ici, on a mis 16 parce qu'en fait, les calculs assez étranges de Wikipédia mettaient 100 fois plus, 10 fois plus, pardon. Mm-hmm. Donc bon, c'était assez étrange, cette histoire. Mais bon. C'est assez intéressant, assez surprenant. L'un des éléments que tu nous apprends, c'est que ces modélisations vont être utilisées à l'échelle de pays, donc de la France, de l'Europe. Est-ce que c'est des systèmes qui sont libres d'accès et que l'Europe a choisi d'utiliser tel modèle parce que ça modélise mieux le climat européen, ou est-ce que c'est des questions de on préfère favoriser quelque chose qui a été développé localement. Enfin, quels vont être les critères de choix entre ces différentes modélisations, enfin, si tu sais. Alors en fait, il y a quand même des... dans ce domaine, il y a beaucoup de codes qui sont open source. Il y a beaucoup de logiciels open source. Il y a notamment un logiciel qui n'est pas français, qui s'appelle WRF, qui sert dans différents domaines pour la simulation de météo et, et les prévisions. Donc, je pense que c'est... parmi les modèles dont on parle ici, notamment type Météo France, certains sont développés en collaboration au niveau européen. C'est souvent dans le cadre de projets de recherche nationaux ou internationaux. Je sais que, par exemple, en Suisse, il y a aussi un institut de météorologie, je ne sais plus comment il s'appelle, qui développe ses propres modèles. Donc on a des modèles qui se développent, et en fait après, je pense qu'il y a des actions de concertation pour que tout ce petit monde communique entre eux et utilise au moins les mêmes mécaniques, on va dire, des fluides, les mêmes modèles physiques sous-jacents. D'accord, ok. Et donc, juste comme précision sur Arome, en fait, il intègre en fait en continu et rajoute les prévisions à partir des informations des stations météorologiques, des navires, des bouées, des radars, des satellites. Et il intègre aussi aux données de base tout ce qui est vent, précipitation, humidité de l'air fourni par les satellites GPS. Un point qui est intéressant, c'est qu'il évalue la fiabilité de la prédiction. Il y aura un lien aussi dans le dossier sur un récap sur les trois modèles, peut-être un peu plus en détail sur un peu comment ils fonctionnent et ce qu'ils permettent de faire. Donc ça, c'était un premier point. Donc c'était tout ce qui était discrétisation et le maillage choisi. Et en fait, il y a un autre point aussi qui peut être problématique dans les prévisions météorologiques. C'est ce qu'on appelle la couverture en données du domaine considéré et les erreurs sur les mesures de ces données. En fait, si on regarde, donc il y a un fort impact des océans sur l'atmosphère, donc dans les prévisions météorologiques. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les zones géographiques terrestres, elles sont beaucoup plus couvertes avec des bornes pour des anémomètres, etc., des thermomètres pour connaître les températures. On a donc plus de données. Donc une plus grande précision dans les conditions initiales qu'on utilise pour faire nos simulations, parce que l'idée c'est quand même on a des conditions initiales, donc les températures à l'instant T, et on essaye de savoir, basé là-dessus et sur tous les modèles qu'on prend, quelle va être la température 24 heures plus tard, 2 jours plus tard, etc. Et ce qui se passe, c'est que dans les océans, c'est beaucoup plus compliqué. Même avec les informations qu'on a avec les balises en mer, finalement, on se retrouve avec beaucoup moins de données. Un point important à savoir quand on fait de la simulation temporelle, comme pour les prévisions météorologie, c'est qu'on fait évoluer des systèmes en fait à partir de conditions initiales. Et donc, plus les conditions initiales sont précises, plus le résultat final sera précis. Et inversement, c'est un peu le problème. Et ajouter à cette imprécision sur les conditions initiales, on a aussi les erreurs numériques liées au modèle. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'en fait, les erreurs qui viennent, on va dire, des limitations, des calculs qu'on fait sur ordinateur. Note explicative, on a eu un petit souci d'enregistrement avec le micro de David Loureiro et on a dû lui demander d'en changer en cours d'émission. Du coup, c'est pour ça que vous allez sentir une petite différence dans la qualité audio par la suite de l'émission et qu'il va y avoir un petit retour en arrière. Encore désolé. Donc comme je disais, le problème qu'on a à cause de ces imprécisions sur les conditions initiales et les erreurs numériques liées au modèle et à l'usage de l'informatique, finalement, fait que pour des simulations qui sont indépendantes, avec des écarts minimes au niveau des données d'entrée, on peut avoir des résultats qui sont totalement différents. Cet aspect de chaos, et je pense que si jamais un jour vous avez des idées de podcast, un dossier sur le chaos, ça peut être quelque chose de pas mal. T'as envie de t'y coller Robin, c'est prévu. Si t'as envie de le faire, tu le fais, hein, mais moi il est prévu dans ma tête depuis un bon moment. Mais j'ai acheté le livre de James Gleick sur le chaos. Quand je le lirai, que je l'aurai fini, pourquoi pas, mais avant... Pour un truc plus simple, sinon il y a une vidéo qui circule sur Internet, une série de vidéos sur le chaos, j'en avais parlé, je crois, une fois, et Tien Gis, c'est... Le seul truc que je sais, c'est ce qu'en dit Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Ah, alors là, j'avoue, je n'ai toujours pas vu Jurassic Park. je me demande si Jonathan l'avait pas évoqué, d'ailleurs. Oui, il en avait parlé, ouais. Donc cet aspect de chaos, il a notamment été mis en exergue par Poincaré pour la simulation à N-Core du système solaire en 1890. Donc il y a une jolie histoire, justement, sur la question. Par Edward Lorenz pour la météo en 63. Tu peux pas laisser planer le suspense comme ça. Comme ça, faut que tu nous racontes l'histoire en question. Ouais, en fait, Poincaré avait publié un mémoire qui s'intitulait « Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique ». Il a notamment eu le prix du roi Oscar, le roi de Norvège et de Suède, et passionné de mathématiques. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce mémoire comportait une erreur qui a été détectée par un mathématicien, Fragman, alors qu'il préparait le manuscrit pour l'imprimeur. Et en fait, ça a obligé Poincaré à faire de gros remaniements dans son mémoire et a aussi remboursé les frais d'impression du premier mémoire. Et en fait, c'était une somme qui était supérieure, donc ses frais, au prix qu'il avait reçu. Et donc, ça ne s'est pas arrêté là, parce que finalement, l'erreur a amené finalement la découverte d'un chaos potentiel caché dans les équations de la dynamique. Et finalement, le système solaire n'est pas aussi stable qu'on pensait, tout du moins la modélisation. Et donc, c'est un peu grâce à cette erreur dans son manuscrit qu'il y a eu des gros développements autour de tout ça. Quoi. Découvrir des choses autour du chaos d'une manière chaotique, je trouve ça particulièrement ironique et bien trouvé. Et en fait, le Edward Lorenz, qui a notamment vu ça dans le domaine de la météo, alors ça n'a rien à voir avec le Lorenz, des invariants de Lorenz dans la réalité, dans la relativité générale. En fait, il est à l'origine aussi d'une métaphore sur le papillon. Donc l'histoire d'un battement d'aile de papillon à Rio qui provoque une tempête à New York, en fait c'était lui. En fait il avait dû faire des simplifications à cette époque-là pour arriver à faire des simulations de météo et ça avait abouti à la découverte de ce qui s'appelle les attracteurs étranges. Donc autre chose assez connue dans le domaine de la théorie du chaos. En fait l'idée c'est que presque toutes les conditions initiales qu'on prend pour faire des simulations dans ce cadre-là, se retrouve attiré dans un schéma qui sera toujours le même, pourtant pour savoir, pour une étape donnée, en fait, à quel endroit du schéma on se trouve. Il y a d'ailleurs une jolie façon de le dire, que j'ai trouvé sur un site que vous pourrez trouver. C'est d'où qu'on parte, on se retrouve toujours sur l'attracteur, c'est le côté prévisible de l'évolution. Où se retrouve-t-on exactement sur l'attracteur? Il est impossible de répondre à la question, c'est le côté imprévisible de l'évolution. Je trouvais cette façon de le dire assez sympa. J'ai une autre façon, juste si je peux me permettre, c'est vraiment le hasard. Enfin, si on fait un épisode sur le chaos, ça sera que là-dessus. Donc, mais l'idée est de dire, je sais en gros combien d'orages il va y avoir, je sais en gros combien de fois je vais voir tel ou tel événement paraître. Le seul truc que je sais pas, c'est dans quel ordre ça va se passer. Oui, moi je vois plus les attracteurs façon automate cellulaire, du coup. J'aimais bien l'image de David juste avant. Parlez pas de moi. Hein. Oui, pardon. Ouais. C'est vrai que je trouve qu'elle explique bien le truc. Ouais, c'est vrai. Et donc, pour compenser toutes ces sources d'erreurs, il y a une nouvelle approche qui a été mise en place, c'est ce qui s'appelle les prévisions d'ensemble. Ici, il est question de faire varier les conditions initiales, justement, dans le domaine d'incertitude des mesures qu'on peut faire, et des modèles disponibles afin de pouvoir, comme l'explique Wikipédia, permettre de quantifier la prédictibilité de l'atmosphère et d'offrir une marge d'erreur statistique sur les prévisions. En fait, si vous regardez sur... je pense que ça doit pouvoir se trouver sur Internet. En fait, assez souvent, les simulations en fait, sont des sortes de moyennes, entre guillemets, sur différents modèles. On regarde quels sont les phénomènes qui apparaissent le plus dans différentes simulations et on les reprend dans la simulation qu'on va ensuite proposer, soit aux téléspectateurs à 20h le soir sur TF1, soit finalement aux gens qui se servent des prévisions météorologiques pour leur métier. Pour info, en fait, trois chercheurs, dont un très connu, donc Charney, George Toft et Von Neumann, réussissent la première prévision numérique du temps par ordinateur. Et les premiers programmes de prévision numérique opérationnels furent instaurés au début des années 60, donc notamment avec Edward Lorenz en 63. Donc voilà, là c'était une petite digression sur la météo et l'intérêt des simulations dans le domaine. Un autre domaine qui, je pense, illustre bien le besoin, c'est aussi la cosmologie. Mmh. Donc ici, le but, c'est vraiment de comprendre l'évolution des galaxies, la mécanique céleste, etc. Un bon exemple, c'est typiquement de comprendre la forme des galaxies, notamment ce qui se passe quand deux galaxies se rencontrent, comme Andromède et la Voie lactée le feront dans pas mal d'années. Et à part la simulation, la seule solution qui serait possible, mais ça serait d'attendre 4,5 milliards d'années et de prendre des photos pour voir ce que ça donne. Oui, ça ralentirait quelque peu le rythme des découvertes scientifiques sur le sujet, quoi. En effet. J'imagine à peine la recherche du boson de Higgs si on attend à chaque fois que la réaction se passe. Donc le problème aussi encore plus complexe en lien avec la cosmologie, c'est quelle est la répartition de masse dans l'univers et comment celle-ci a influencé influencé son évolution jusqu'à nos jours. Il y a des gens qui se sont attelés à simuler tout ça. Ça s'appelle notamment la grande, ça s'appelle Deus au sein d'un consortium. Ça a été mis en place par Jean-Michel Halimi et son équipe au sein de l'Observatoire de Paris. Et le but, c'était de comprendre, à travers la simulation, finalement, tout cela de manière massive sur le plus gros supercalculateur public qu'on a en France, qui s'appelle Curie, donc en l'honneur de Madame Curie. Donc, c'est une très, très grosse machine. Elle a 92 000 cœurs, donc, pas processeur, mais cœurs. Et donc, la performance crête, c'est 2 millions de milliards d'opérations à la seconde. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Ça fait beaucoup. T'as eu une idée de où ça le place dans les supercalculateurs Curie, alors il y a un top 500 qui est établi deux fois par an. Je ne sais plus précisément où est-ce que ça en est, mais elle doit être dans les 20 premières, je pense. Ouais, ça donne une idée, je pense. Ça doit être un truc même comme si ça. C'est le top 50, ça donne une idée de la puissance de la chose, je pense. Ouais. À savoir que la machine la plus puissante, on va dire, au dernier classement qui était en novembre, c'est une machine qui est chinoise, qui s'appelle Tian 2, je crois. Mm-hmm. Et donc en fait cette machine, elle a presque 3 millions de cœurs. Mmh. Et elle a une performance de plus de 33 millions de milliards d'opérations, donc c'est 15 fois plus. Alors bon, c'est un peu particulier parce que dans ces machines, pas très bien de le dire comme ça, mais c'est un peu à qui est-ce qui aura la plus grosse. Et en fait, il y a beaucoup d'utilisation de cartes graphiques qui ont beaucoup de processeurs et qui ont donc des puissances brutes assez importantes. Mmh. Voilà. Mais assez souvent, la question, en fait, oui. Ouais, pardon, tu disais que les premières simulations informatiques remontaient aux années 60. Ouais. En prévision météo. Ouais. On a Pete dans la chatroom qui se demandait c'était quel genre d'ordinateur qu'on utilisait. Ils avaient quel type de puissance? T'as une idée? Quel type de puissance? Je sais pas, de vitesse de calcul ou... Ah, c'était misérable. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ouais, c'était très, très, très peu. Je pense que même, à mon avis, une calculette aujourd'hui ou un smartphone est largement plus puissant que ce qu'ils avaient à l'époque. Je pense aussi. Ah ouais, j'ai récupéré dans le genre truc de dingue les premières disquettes, plus ou moins, si on peut appeler ça une disquette, où en fait on voit les bits. Non, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, j'ai récupéré ça. T'as des fils de cuivre, t'as un quadrillage en fil de cuivre, et chaque croisement de fil de cuivre, en fait, c'est soit 0, soit 1. Et c'est... Donc tu vois les bits, c'est complètement dingue. Bon, c'était pas une disquette, ce truc-là. Si, c'était un truc sur lequel tu stockais de l'information. Les premiers ordinateurs, c'était pas des transistors, c'était des ampoules. Hein. C'est incroyable de voir ça. Tu vois la. T'as aussi les cartes, enfin les. Les bandes imprimées, genre comme les machines pour faire de la musique, quoi. Oui, les cartes perforées, ouais. Les cartes perforées, merci. C'était pas une disquette, nous dit Undef dans la chatroom, c'était une mémoire à TOR. T-O-R-E-S. C'est possible, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Je vous fais confiance. C'est ça. Ouais, mais je dois avoir du matériel, mais si ça m'intéresse, je peux faire un sujet, je pense, sur l'histoire de l'informatique. Il y a des trucs sympas, hein, là-dessus. Il faut montrer des images, c'est fou. Ce sera à 16h, il n'y a plus qu'à fixer la date. Tu mens en plus, c'est le rendu du dossier qui est à 16h. C'est vrai. Donc en fait, l'idée de cette simulation dont je parlais, Deus, c'était de simuler donc, tout l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, avec trois scénarios. Donc je vais aller dans des trucs un peu qui étaient l'apanage de Mathieu à une époque. Donc ils avaient des scénarios en fait, de matière noire. Donc le premier s'appelle Lambda CDM. C'est là où on considère que la relativité générale utilise la constante cosmologique. Alors l'équation d'état cosmologique, on la considère constante. Ce qu'on entend par là, c'est qu'en fait, pour simplifier, le ratio qu'on a entre la pression et la densité d'un fluide considéré parfait qui remplirait l'univers vaut moins 1. Donc, bon, voilà. Grosso modo, en fait, c'est ce qu'on entend par là. On considère que la constante cosmologique est constante. Mm-hmm. Et on utilise la matière noire froide. Donc en fait, c'est pour ça que c'est CDM, c'est Cold Dark Matter. C'est une théorie améliorée à partir de celle du Big Bang. En fait, l'idée, c'est de dire que la majeure partie de la matière de l'univers serait constituée d'éléments non observables par un rayonnement électromagnétique, donc noir, et que les constituants se déplacent lentement, donc froides. Voilà. Donc pareil, il y a des liens sur si vous voulez en savoir plus, et puis il y a l'excellent épisode de Mathieu sur la question. Il y avait aussi un modèle à base de quintessence. Donc en fait, ici, on considère une énergie noire plus générique. Elle évolue en, l'idée, en fait, c'est qu'elle n'est pas constante, elle évoluerait au cours du temps. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a un champ scalaire avec une équation d'état qui est dynamique, et on a aussi de la matière noire froide. D'accord. Et le troisième modèle qu'on utilise, c'est un modèle d'énergie fantôme. Donc c'est dérivé du modèle de la base de, base de quintessence. Et en fait, l'équation d'état elle est satisfaite pour une valeur inférieure à moins 1. Et en fait, dans ce cas-là, l'énergie fantôme, on a un univers qui aboutit à ce qu'on appelle un Big Rip. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait, le Big Rip, c'est un peu dans l'idée du Big Crunch. C'est-à-dire que toute la matière, en fait, elle est détruite. Alors, pas comme dans le Big Crunch, parce que tout est réduit à une singularité. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie noire se met à augmenter indéfiniment, de manière exponentielle, dans un temps fini. Et finalement, cette énergie devient plus forte que la gravité, elle devient plus forte que les forces électromagnétiques, que les interactions faibles, les interactions fortes. Et finalement, la matière est détruite dans ses composants les plus élémentaires. D'accord. Et donc, en fait, cette simulation, donc l'idée, c'était de simuler presque 550 milliards de particules. Donc, ils ont utilisé 76 000 cœurs et près de 300 téraoctets de mémoire vive. Donc, ça fait un peu moins de 38 000 DVD, donc ça, juste pour la mémoire. Et ça a duré pendant l'équivalent de 50 millions d'heures de calcul. Donc, si on utilisait un seul cœur, on mettrait 50 millions d'heures pour faire le calcul. Donc, 5700 ans, hein, à peu près. Et donc, eux, ils sont arrivés, grâce à toute la puissance qu'ils avaient à disposition, de le faire en 28 jours. Donc, ils n'ont pas recréé l'univers en 7 jours, mais en 28. Ce qui n'est déjà pas si mal. Donc, au final, ils ont généré 1,5 pétaoctets de données. Donc, c'est 187 000 DVD de données utiles. Donc, c'est des données utiles. Hein. En fait, ils en ont généré presque 100 fois plus, je crois, de données qui ont ici été très traitées. En fait, toutes ces données, elles vont servir comme entrée à ALMA, au VLT, au futur télescope spatial Euclide et aussi au radiotélescope qui s'appelle le Square Kilometer Array qui sera opérationnel en 2020. En fait, pour ceux que ça intéresse, les données elles sont d'ailleurs disponibles. Je ne sais pas si vous voulez aller les chercher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme c'était expliqué quand le consortium a reçu le prix Joseph Fourier, donc c'est un prix qui est remis par Bull, donc c'est un constructeur de matériel informatique français, et le GENSI, qui est une structure qui regroupe les moyens informatiques dédiés à la recherche en France, notamment, c'est que les détails du calcul, notamment le nombre et la taille des plus gros amas de matière existants, ne peuvent pas être vérifiés actuellement par les observations. C'est pour ça qu'il faut attendre que les missions de cosmologie spatiale, Euclide, de l'ESA notamment, viennent vérifier tout ça et valider que ce qu'on observe, finalement, correspond à plus à tel ou tel modèle. Donc il y a d'autres domaines, comme la météorologie ou la cosmologie, où les limitations ne sont pas forcément physiques. On peut illustrer ça par la génétique, par exemple. On peut forcément tester toutes les maladies avec tous les remèdes possibles pour d'évidentes raisons éthiques, ou bien la physique nucléaire. Tout à l'heure, j'ai vu passer dans la chatroom, c'est vrai qu'il paraît un peu compliqué d'aller faire des tirs de bombes nucléaires pour observer ce qui se passe. Donc c'est plus autorisé dans la démocratie, mais bon, c'est quand même pas top. Et puis, il y a la physique aussi des particules élémentaires, qui nécessite d'avoir des instruments très complexes à disposition pour faire des expériences, LHC, ITER, etc. Et donc un autre domaine où il est compliqué de faire des expériences en grandeur réelle, c'est de la sélection naturelle ou de l'évolution biologique. Il y avait eu un épisode de Marco sur l'expérience de Lenski qui montre bien que c'est complexe et que dans ces cas-là, la simulation, elle peut avoir un vrai apport. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais c'est vrai que... Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors deux choses déjà... Un autre élément qui me semble assez intéressant et qui rejoint un peu ce que tu disais sur l'aspect on peut pas attendre 4,5 milliards d'années que deux galaxies se rencontrent ou pas mal d'autres choses que tu as déjà dit. En fait, j'ai juste reformulé à ma façon. Mais je trouve que c'est intéressant de faire le distinguo entre la découverte des lois qui gouvernent éventuellement le monde, celles qui font peur à Robin, et de l'autre côté, l'aspect historique du comment ça se passe ou du comment ça va se passer. Et en effet, la modélisation vise essentiellement à s'intéresser à ce deuxième aspect scientifique. C'est un peu le distinguo que je faisais dans mon épisode qui n'était pas forcément top sur sur le phénotype étendu en début de dossier entre d'un côté l'aspect évolution et de l'autre côté l'aspect sélection naturelle. Je m'intéresse pas mal aussi à l'aspect essayer justement dont tu parlais tout à l'heure de retester des grands principes en vérifiant que ça se passe bien comme on espérait que ça passe. Je vais peut-être un peu loin, je réponds pas tout à fait à ta question sur l'aspect biologie et sélection naturelle, mais purement de ce côté-là, moi ce qui m'intéresse le plus c'est justement d'essayer de tester si ces grands principes fonctionnent bien comme on espère qu'ils fonctionnent et si on arrive à obtenir des choses comme de la complexité dans des modélisations, des simulations basées sur la sélection naturelle et ce genre de choses. Voilà, voilou. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ouais, il y a une autre grande expérience qui est un projet stratégique pour l'Europe. C'est le Human Brain Project. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Où là, typiquement, c'est vraiment de simuler un cerveau humain avec des très très grands moyens informatiques. T'avais aussi une autre, je sais pas comment ça s'appelle, mais t'as une autre expérience en bio qui consiste à essayer de simuler un être vivant minimum. Alors je crois que c'est un hétérozygote quand même, mais l'hétérozygote le plus simple qu'ils ont trouvé, essayer de le simuler entièrement. Je crois qu'ils en sont toujours assez loin, mais bon, pareil, c'est un gros projet de simu en biologie. Sur Lyon, en fait, avant de monter une start-up, je bossais à l'INRIA dans une équipe de recherche qui est à Normale-Sup à Lyon, et pas très loin de chez nous il y avait des gens qui travaillaient à l'Institut des systèmes complexes, et donc ils faisaient notamment de la modélisation des systèmes complexes avec les problématiques multi-échelles, où on a différentes interactions au niveau moléculaire, au niveau des cellules, au niveau des organismes, enfin etc qui, avec des interactions entre les différentes échelles, où c'était extrêmement complexe d'arriver à essayer d'avoir quelque chose d'assez fidèle en se basant sur tous ces niveaux-là. Quoi. Alors, un point sur lequel il faut faire attention, on a beaucoup parlé de simulation jusqu'ici, c'est pas la réponse ultime. C'est-à-dire qu'elle permet pas de tout prendre en compte et de tout comprendre. Tous les phénomènes physiques ne vont pas forcément être pris en compte. On l'a un peu abordé pour la simulation de la météo, et on le voit tous les soirs, c'est pas forcément toujours très exact. Parce que les modèles utilisés, c'est des modèles, c'est pas la réalité. Ils intègrent des hypothèses qui ne sont pas forcément vraies dans la vie réelle, ou les simplifications qui permettent à la simulation d'être pertinente en temps de calcul ou d'espace mémoire, ou parce que c'est suffisamment précis. J'avais travaillé à une époque à Montréal dans une société qui faisait de la simulation pour l'aéronautique, et en fait, les gens enlevaient des bouts des équations parce qu'ils considéraient que c'était pas dimensionnant, que ça, c'était pas important pour le phénomène qu'ils souhaitaient étudier, donc ils enlevaient des bouts des équations carrément. Et le pire, c'est que ça marchait. Donc, comme j'ai dit, en fait, la simulation doit être validée afin de s'assurer que le modèle utilisé pour représenter le phénomène étudié est valable et que la simulation numérique basée sur ces modèles est pertinente. Il faut aussi, bien sûr, valider que les techniques dont on se sert pour discrétiser les domaines et les méthodes de calcul qu'on utilise, elles doivent être validées mathématiquement aussi. Et c'est pour ça que l'expérimentation, ou tout du moins l'observation, est indispensable pour s'assurer que finalement ce qui sort des modèles correspond à quelque chose. Quoi. Il y a un autre truc qui est un peu problématique avec les modèles, c'est qu'on ne peut pas apprendre de choses sur ce qui n'est pas inclus dans notre modèle. En fait, on ne peut pas faire de découvertes particulières avec des modèles. Parce que finalement, les modèles, la seule chose qu'ils peuvent nous montrer, c'est des choses inattendues et pas forcément de nouvelles choses. On peut découvrir des conséquences d'interactions entre différents modèles ou des modèles multi-échelles dont je parlais juste avant, ou multiphysiques. Quand on a des simulations de mécanique des fluides en conditions extrêmes, par exemple, quand on a de l'air, de l'eau, de la glace, de la résistance des matériaux, de la thermodynamique. Donc dans ce cas-là, on peut trouver des interactions, mais on ne va pas faire des découvertes. Encore un point sur les modèles, les modélisations choisies pour représenter des phénomènes sont choisies la plupart du temps pour étudier certains phénomènes, comme je l'expliquais au début. Quand on veut étudier le comportement d'une aile d'avion au sein d'un écoulement en D, on peut proposer des modèles différents. Si on veut étudier le comportement avec un écoulement qui va être subsonique, donc dont la vitesse relative sera inférieure à la vitesse du son, supersonique, ou alors dans des conditions extrêmes, typiquement quand un avion vole dans un nuage, donc la température à ses hauteurs plusieurs milliers de mètres sont extrêmement basses, et les gouttelettes d'eau vont se déposer sur l'aile, Il y a de la glace qui va être générée. Cette glace va changer le profil d'aile et potentiellement, il peut y avoir des crashs à cause de ça. Donc, chacun de ces modèles, c'est toujours sur un profil d'aile d'avion. Mais finalement, en fonction des conditions, on ne va pas avoir les mêmes résultats parce qu'on ne va pas étudier les mêmes choses. Les équations vont être différentes et ce qui sera dimensionnant dans ces équations vont être différents. Donc là, c'était un peu une digression sur les problématiques des modèles qui reviennent un peu aussi sur ce qu'on disait au début du podcast. On ne peut pas forcément tout trouver, ce n'est pas la réponse ultime aux recherches qu'on souhaite avoir. Donc, je ne sais pas si vous avez des... Éventuellement, j'ai une mini-anecdote qui va un petit peu dans le sens des phénomènes inattendus qui ne sont pas quelque chose de nouveau mais qui sont assez rigolos. Je me souviens toujours d'une simu, alors qui est pas une simulation numérique pour le coup, mais d'un chercheur simu évolutionniste sélection naturelle avec des petits robots qui devaient atteindre un point particulier, et le chercheur était très perturbé parce que ces petits robots, plutôt que foncer droit au point en question, ils commençaient par aller vers le bord de la table, se cogner contre le bord de la table, puis ils allaient atteindre le point qu'ils étaient censés atteindre. Il ne comprenait pas pourquoi. Puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte en fait que les capteurs n'étaient pas suffisamment précis et que du coup, aller se cogner contre le bord de la table, c'était une manière de se positionner de manière très précise pour aller directement à l'objectif en question. Donc je trouve que ça donne un exemple de phénomène auquel on ne s'attend pas forcément quand on lance une simulation. Voilà, c'était tout. Bah, typiquement, l'exemple que je donne... sur la génération de glace sur les ailes. En fait, l'entreprise où je travaillais quand j'étais à Montréal, c'est une entreprise qui avait été créée par quelqu'un qui a fait partie du bureau enquête accident canadien et qui avait étudié justement un crash d'avion qui avait eu au Canada. Donc, pas étonnant qu'ils testent justement des conditions extrêmes de vol. Et c'est en simulant justement, en étudiant les équations, en faisant intervenir la thermodynamique et pas juste de la mécanique des fluides, qu'ils se sont rendus compte en fait que la glace qui adhérait sur l'aile changeait le profil et faisait que finalement il y avait moins de portance. Et que l'avion descendait, quoi. Ouais. Non, c'est pas mal non plus. Juste quelque chose que ça m'inspire tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est la notion de comprendre. C'est-à-dire que tu répètes régulièrement, on arrive à comprendre grâce au modèle ou machin, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, d'une certaine manière, enfin, c'est pas pour t'attaquer directement, mais j'ai l'impression que quand on en arrive à la simulation et aux approximations dues à ce que tu expliquais là, les phénomènes chaotiques, l'imprécision des mesures, etc., etc., le choix du maillage, en fait, on cherche pas à comprendre. J'ai l'impression, j'ai l'impression que juste on cherche à voir si globalement ça a des chances de marcher ou pas. On cherche pas forcément à comprendre. Ça dépend ce qu'on appelle comprendre, mais j'ai l'impression qu'on propose pas une explication de cause à effet avec des causes relativement simples et tout. On y va plus ou moins à la bourrin et regarde si ça marche ou pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus de la pratique que de la théorie, pour reprendre la phrase connue, la théorie c'est quand on sait pourquoi ça marche mais que ça marche pas, et la pratique c'est quand on sait pas pourquoi ça marche mais ça marche, quoi. Enfin, je l'ai mal dit, mais c'est un truc comme ça. Pas forcément, je pense. Enfin, ça dépend de ce qu'on cherche. On peut chercher plusieurs choses. Si jamais on a remarqué que quelque chose ne marche pas, que un avion s'est crashé et qu'on essaye de... Je ne sais pas du tout si c'est fait par des simulations numériques, mais je crois qu'il y avait des avions qui s'étaient crashés à cause d'oiseaux qui étaient rentrés dans les réacteurs. Je peux imaginer que des gens essayent de tester, simuler le phénomène en question pour voir si, oui ou non, ça peut être des oiseaux qui ont généré le crash. Et ce serait un exemple d'utilisation de la simulation pour comprendre ce qui se passe. Oui, non, mais ça dépend ce qu'on appelle comprendre. Je veux dire, de même que le modèle n'est pas la réalité. Ce que tu avais dit, David, en début de dossier, c'était que c'est pas quelque chose qui va t'amener un élément fondamentalement nouveau. Tu vas tester un principe, tu vas tester quelque chose. Donc oui, en effet, la simulation va pas t'amener une idée révolutionnaire, un principe nouveau auquel tu n'avais pas pensé. Mais il avait expliqué en début de dossier que c'était le principe même de la simulation numérique. Donc si c'est ça que tu entends par comprendre, ouais, ça peut pas marcher. On pourrait faire un dossier entier sur ce, comprendre ce que ça veut dire comprendre. Mais on va peut-être pas aller jusque-là. Mais c'est pas clair ce que ça veut dire comprendre. Mais c'est vrai que décrire et comprendre, c'est quand même deux choses très différentes. Et j'ai l'impression que la simulation, c'est plus sur, sur l'aspect description, ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, ce qui ne veut pas dire que ça aide pas à comprendre certaines choses. Mais... Ah, c'était ce que je... Ouais, vas-y, désolé. Ouais, les simulations, c'est vrai que, enfin, je suis d'accord, elles sont quand même plus du côté pratique que du côté théorique, hein, je vais pas dire de... Parce que finalement, c'est clair que la théorie, on va l'établir, enfin, on va établir des modèles, c'est beaucoup de mécanique, beaucoup de mathématiques. Donc, je suis d'accord, la simulation, elle est pas, comment dire, elle a pas pour rôle de, elle est pas du côté de la, comment dire, du côté théorique du modèle. On prend un modèle, etc. Elle peut permettre un exemple qui me vient en tête, c'est typiquement tout ce qui est résonance dans les ponts, par exemple. Faire des simulations et arriver à voir que finalement, parce qu'on a un rythme, régulier qui fait que le pont entre en résonance et il peut casser, ça, c'est des choses qu'on peut arriver à observer ou à simuler, finalement, et on peut voir comment est-ce que le phénomène se réalise, quoi. Alors, on peut peut-être le faire aussi avec des expériences, des simulations analogiques, entre guillemets, mais voilà. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Après, c'est sûr que ça n'aide pas forcément à comprendre dans le sens, je dirais, démonstratif du terme. Démonstration du terme. Mmh. Je pense que c'est assez clair et que tu peux reprendre ton dossier. Désolé pour les nombreuses interruptions. Pour finir, entre guillemets, parce que là, je voulais juste te parler de la première simulation numérique qui fut réalisée. Elle a été effectuée en 1953 sous l'impulsion de John von Neumann, tout le temps lui, dans le domaine de la physique nucléaire. Son but, c'était de pouvoir, dans le cadre du projet Manhattan, simuler le comportement des neutrons lors des réactions en chaîne dans des armes explosives basées sur la fission. Donc il est apparu qu'une bonne méthode pour arriver à faire cela, c'était ce qu'on a appelé à partir de là les méthodes de Monte Carlo. En fait, comme le précise Wikipédia, le nom de ces méthodes, qui fait allusion au jeu de hasard pratiqué à Monte Carlo, a été inventé en 1947 par Nicolas Metropolis, et publié pour la première fois en 1949 dans un article coécrit avec Stanislas Ulam, que l'on retrouve notamment dans l'expérience de John von Neumann, et qui s'appelle en fait cette expérience d'ailleurs l'expérience de Fermi-Pasta-Ulam. Fermi était le chercheur, Pasta l'informaticien et Ulam le mathématicien. La méthode proposée, qui est à la base de toute bonne méthode de Monte Carlo, consiste dans le découpage d'un processus complexe à un grand nombre de petites étapes, où à chaque pas, plusieurs choix sont possibles, avec pour chacun d'entre eux une probabilité définie de se réaliser. Chaque run complet va fournir finalement un résultat et en effectuant un grand nombre, on sera en capacité de connaître la fonction de probabilité du processus complexe global en incluant l'incertitude inhérente du hasard. Von Neumann a immédiatement reconnu dans les avantages de cette méthode et notamment en son application à l'exploration du comportement des chaînes de réaction à base de neutrons, et ceci notamment dans les armes basées sur la fission, comme j'ai dit, pour la prédiction de leur explosion, mais aussi pour les problèmes de diffusion et de multiplication des neutrons. En fait, dans cette simulation, il y avait plusieurs étapes qui peuvent être représentées de manière grossière sous la forme d'un enchaînement, d'un diagramme. Donc la première, c'était la génération d'un neutron dont la position et la vitesse étaient fournies de manière aléatoire. Les lois de probabilité pour chacune d'entre elles sont déterminées afin de refléter les conditions initiales réputées connues. Et la seconde étape, ça consiste en un déplacement libre de ce neutron sur une certaine distance. Cette distance est elle-même définie par une distribution de probabilité spécifique qui va notamment dépendre des propriétés du matériau, des sorties de la première étape. Et là, on a trois cas. Soit le neutron entre en collision au sein du même matériau, soit le neutron traverse la frontière afin de réaliser un nouveau déplacement libre dans ce nouveau matériau, soit la branche, c'est-à-dire que le cycle se termine parce que le neutron il a été absorbé par le matériau sans générer de nouveaux neutrons, où il est complètement sorti de l'objet. Et donc, en fait, on réalise un grand nombre de ces enchaînements et on observe les résultats pour arriver à comprendre le fonctionnement des réactions en chaîne que cette opération visait à simuler. Et en fait, pour chacune de ces étapes, des distributions de probabilité sont utilisées pour chacun des cas identifiés, et il est donc nécessaire de disposer d'une bonne source de nombres aléatoires. Ce qu'on remarque, et ce qui a déjà été abordé dans différents podcasts, notamment celui de Robin sur le hasard, je cite beaucoup les podcasts de Robin, vous verrez, vous voyez, c'est qu'il est important d'avoir de bonnes sources de nombres aléatoires. En fait, on peut utiliser des générateurs de nombres aléatoires qui sont basés sur des phénomènes imprévisibles, mais ce qu'il y a, c'est que le temps d'obtention des nombres il peut être lent. voire trop lent pour les expériences à réaliser pour lesquelles il faut parfois un très grand nombre de nombres aléatoires. Il existe des générateurs de nombres aléatoires qui reposent sur les phénomènes physiques, hein, la radioactivité, les bruits thermiques, la mécanique quantique, etc. Et puis il existe aussi des algorithmes qui peuvent être utilisés pour générer des nombres aléatoires. C'est des algorithmes qui sont bien sûr déterministes, qu'on exécute sur des machines déterministes, les ordinateurs, et donc il y a assez peu de risques pour que ces algorithmes en fait génèrent de vrais nombres aléatoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait on ne dit pas des générateurs de nombres aléatoires, on dit plutôt des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. En fait, le grand intérêt de ces générateurs, c'est qu'ils permettent de fournir des nombres qui présentent certaines propriétés, comme par exemple l'indépendance des nombres entre eux, ou le fait qu'il est difficile de repérer des groupes de nombres suivant certaines règles. L'autre intérêt, et assez clair aussi, c'est qu'ils peuvent être implémentés, programmés, et qu'ils peuvent arriver à générer des nombres très rapidement, sans avoir de matériel spécifique en plus que son simple PC. Il existe d'ailleurs plusieurs ensembles de tests qui étaient mis en place pour valider que finalement ces générateurs de nombres pseudo-aléatoires ont un aléatoire assez bon. Donc il y a deux grandes suites de tests. Il y en a une qui s'appelle la Die Hard, comme le film de notre Bruce Willis préféré. Sinon la Test U01. Donc ces deux grandes suites qui sont assez utilisées pour tester des générateurs de nombres aléatoires. En fait, le but, c'est de confronter ces générateurs à des situations un peu extrêmes dans lesquelles les aspects non aléatoires peuvent apparaître, comme des corrélations entre des suites de nombres fournies par les générateurs. Il y a tout un tas de tests qui sont réalisés. Il y en a un, par exemple, qui teste la répartition dans un cube des nombres générés, quand on en prend trois consécutifs pour les coordonnées. Ou il y en a un autre aussi qui s'appelle le test du parking lot. En fait, le but, c'est de placer des voitures sur un parking de carré 1. Donc chaque voiture est représentée en fait par une sphère. Et quand il y a des crashs, donc c'est quand une voiture veut se garer sur un endroit où une voiture est déjà garée, on recommence. Et au bout d'un certain temps, en fait, on regarde le nombre de voitures garées et on doit s'attendre à ce qu'on obtienne, à travers différents calculs un peu savants, à obtenir une probabilité qui suit une loi normale. En fait, on fait un test d'adéquation à la loi normale, on vérifie la compatibilité des données avec une distribution de ce type. Et donc, soit ça colle, soit ça colle pas. Et donc, parmi les failles qu'il faut éviter pour ces générateurs, on peut en citer un certain nombre, comme la variation de la qualité du hasard des nombres générés en fonction de la graine fournie, c'est-à-dire que pour lancer ces générateurs, pour qu'ils ne génèrent pas forcément tous tout le temps la même chose, on fournit une graine. Une seed, cette valeur sert à initier le générateur. Et donc, c'est en fonction de la graine, comment varie le hasard produit. Ensuite, est-ce que les valeurs successives sont indépendantes ou non? Est-ce que la période est trop petite? Parce que donc, ces générateurs de nombres aléatoires ont une période à partir de laquelle ils se mettent à boucler. Mmh. Donc, ils reviennent sur les valeurs de départ. Donc, il faut que la période en fait, soit pas trop petite. Il y a aussi, comme on est dans l'informatique, que les bits des nombres qui sont générés sont assez aléatoires dans les sorties. En fait, typiquement, souvent ce qui se passe, c'est que quand on a des entiers, des nombres entiers, donc ils sont sur nos architectures classiques, enfin plus trop maintenant, mais les architectures 32 bits, voire 64 bits sur les derniers ordinateurs. Donc les entiers, en fait, ils sont cotés sur, par exemple, 32 bits, donc ça fait 4 octets. Et donc quand on a 32 bits, assez souvent, on veut que tous les bits soient aléatoires et les générateurs de moins bonne qualité, souvent les plus petits ou les plus grands, sont moins aléatoires que les autres. Voilà, c'est les propriétés qu'on recherche dans les nombres. Parmi les PRNG, donc les pseudo-random number generators, Robin, je crois que tu avais déjà parlé de celui de Van Neumann, et notamment avec les failles, avec l'histoire des zéros. Ouais. Peut-être juste en reparler rapido. Ouais, ouais. En fait, c'est très très bête, hein, Von Neumann. Heureusement que j'ai lu ton texte un peu à l'avance. C'est un truc du style, on prend un nombre de 8 chiffres, sauf erreur. Bon, après, on peut le faire avec la taille qu'on veut, mais je crois que lui, c'était 8 chiffres. Et on le multiplie par lui-même, on prend son carré, et on prend les 8 chiffres du milieu du résultat obtenu, et c'est le nouveau nombre avec lequel on recommence, on le multiplie par lui-même, on prend les 8 chiffres du milieu du résultat, etc. etc. Et disons qu'il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes étant que si on commence à avoir un 0 à gauche du paquet de 8 chiffres qu'on prend, ça veut dire qu'on va avoir un nombre un peu plus petit et que, sauf erreur, on va se retrouver encore avec des zéros à gauche et qu'on va se retrouver petit à petit avec un nombre de plus en plus petit et qu'on va finir par avoir que des zéros, quoi. Mmh. Donc c'est dès qu'il y a un zéro qui s'introduit quelque part, boum, c'est fini, on va vers que des zéros et donc c'est plus vraiment aléatoire, quoi, disons. Et d'ailleurs, je crois que vous aviez abordé ce qu'on appelle les générateurs concurrentiels linéaires à ce moment-là, en fait. Donc, alors, je ne sais pas ce que c'est, mais si tu le dis. C'est des suites numériques, c'est des suites où en fait la valeur à l'instant, enfin comment dire, à l'étape n est égale à un nombre, disons a, un coefficient a, que multiplie la valeur à l'étape n-1 plus un autre nombre, et en fait on prend le module de tout ça pour avoir une certaine valeur. C'est possible. Ça, j'ai pas souvenir d'en avoir parlé. Mais bon, enfin après, j'imagine bien le genre de méthode qu'on peut utiliser. Je me souviens surtout avoir parlé de choses où justement, pour éviter d'avoir ce genre de biais, on utilisait des grandeurs physiques très simples, du style la position de la souris ou des choses comme ça, ce que je trouvais assez marrant. Mais... Et donc en fait, ces générateurs, ils ont été introduits par un certain Lehmer en 48, sous une forme réduite en fait. Donc c'était pas xn est égal à axn-1 plus b modulo m, c'était sans le b en fait, donc c'était juste une suite géométrique. Et donc la période en fait dans ce type de générateur, c'est au maximum m, le module, c'est-à-dire que les nombres ils sont inclus entre 0 et m, quoi, parce qu'à la fin on recommence. Pour les plus mathématiciens d'entre nous, ça fait partie, c'est une classe d'horloge. Et donc pour des peut-être quand même, pardon, hein, peut-être juste expliquer pour les gens qui sont pas complètement habitués au modulo, quoi. Je prends deux secondes, c'est la classe d'horloge, c'est clair. Modulo, calculer quelque chose modulo 12, ça veut dire qu'on enlève 12 autant de fois que possible. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on fait quand on parle de l'heure. Quand on dit il est 13h, en fait il est 1h, c'est la même chose. On vire 12. Comme modulo, c'est la division sans la virgule, en fait, c'est ça? Non, modulo, c'est tu modulo. C'est le reste de la division. Ouais. Par, donc là en l'occurrence 12, mais ça peut être par n'importe quoi. Mm-hmm. Donc c'est clair que si ton calcul pour trouver quelque chose d'aléatoire est modulo un certain nombre, bah tu peux trouver que des nombres qui sont plus petits que ce nombre-là. Si tu fais du calcul modulo 12, on peut pas trouver plus grand que 12. En principe, on peut même pas trouver 12. 12, c'est 0. Elle est bien l'explication de l'âne. Hein. Le reste de la division. Le reste de la division. La division sur la virgule. Oui, oui, non, mais pardon, excuse-moi. Tu viendras faire les exposés à ma place. Je vais vous faire 2-3 podcasts. Non, mais pour une explication rigoureuse, elle est moins bonne que la tienne, Robin. Mais pour une explication rapide, en milieu de dossier, elle est plus efficace. Quoi, elle est parfaitement rigoureuse, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc en fait la période, justement, voilà, c'est au maximum m, donc c'est-à-dire que c'est le nombre de valeurs qu'on peut avoir au maximum différentes. Et donc en fait la période pour ce type de générateur sur les implémentations 32 bits, c'est 2 puissance 32, parce que pour chaque bit on a deux choix, et donc 2 puissance 32. Un des générateurs de ce type qui a été le plus utilisé pendant pas mal de temps, il s'appelait Rendu. En fait, il fut introduit par IBM dans les années 60. Pour lui, les paramètres A et M, donc A c'est le coefficient xn égale A, xn moins 1, donc c'est le coefficient A, il valait 65 539 et M, donc le modulo, il valait 2 puissance 31. En fait, il a été beaucoup utilisé jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il générait des nombres qui n'étaient pas si aléatoires que ça. Parce que quand on les utilisait pour présenter des points en dimension supérieure à 2, donc dans des cubes, voire des hypercubes, des cubes mais en dimension supérieure à 3, et ben en fait ils n'étaient pas placés de manière aléatoire. Pour les plus férus de mathématiques, alors j'expliquerai pas par contre ce que c'est, Rendu échoue à un test qui s'appelle le test spectral à partir de la dimension 3. Voilà. Et donc en fait il y a une illustration dans le dossier où on voit bien que effectivement on n'a pas une répartition aléatoire des nombres qu'on tire, mais vraiment une répartition sous forme de plans parallèles. Donc pour finir sur ces générateurs, les générateurs de nombres pseudo-aléatoires, l'un des plus connus, et pour être de bonne qualité, sauf pour la cryptographie, c'est celui inventé par deux japonais, Makoto Matsumoto et Takuji Nishimura, en 97, il s'appelle Mersenne Twister. Déjà, il possède une très grande période, de puissance 19937-1, et il est uniformément distribué sur 623 dimensions. Donc en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que pour le test qu'on a expliqué juste avant, en fait, quand on prend des hypercubes de dimension 623, Donc je pense qu'à part Robin, il y a peut-être personne qui doit se représenter ce que ça veut dire. Vous. En fait, jusqu'à cette dimension-là, on observe du hasard dans le placement des chiffres, quoi. Des points dans l'espace. J'adore ce genre de résultat. Jusqu'à, tu dis, la dimension 623. 623. C'est trop la classe. Très cher auditeur, vous n'avez pas la vidéo, mais si vous l'aviez, vous verriez Robin littéralement exploser de rire. C'est ça, Robin heureux. Il suffit de 623 dimensions et il est heureux, Robin. Non, mais un résultat qui est vrai jusqu'à la dimension 6. Non, mais franchement, c'est complètement incroyable. Genre, c'est fou en dessous, c'est vrai en dessous, après, non, en bas, après, non, ça foire à partir de la dimension 623, je viens, c'est absurde. Je pense qu'ils ont dû faire tester ça par un stagiaire ou un truc. Dans le même style, il y a le terme de la saucisse, de la conjecture de la saucisse, pardon. T'en avais parlé, non? Ouais, mais j'en avais pas parlé justement, parce que je pouvais pas parler de tout, et où il y a un. C'est génial, parce que c'est de montrer jusqu'à la dimension 42. 42 en plus. Pardon. Allez, on coupe Robin. Donc c'est un générateur qui est plutôt complexe, hein. C'est pas une suite arithmétique et géométrique comme juste avant, parce qu'il est beaucoup plus, ouais, il est beaucoup plus complexe que les générateurs congruentiels linéaires. L'idée en fait, c'est qu'on fait déplacer des bits, donc on prend des chiffres et puis on déplace des bits devant, derrière, avec des opérations logiques, donc de type OU exclusif. Et en fait, on prend ces bits, on les met dans une matrice, donc un tableau de dimensions. Et puis, ensuite, on a une forme de suite numérique avec ces matrices. On fait des opérations logiques dedans. Et en fait, on prend tout ça et ça nous sort des nombres aléatoires. Voilà. Un des problèmes en fait, qu'on rencontre notamment avec ces générateurs, c'est que dans le cas de la parisation de code, en fait, quand on utilise un logiciel sur des serveurs de calcul, une des difficultés qui apparaît, c'est de pouvoir générer pour chaque version du code, donc sur chaque serveur, en fait, des séries de nombres aléatoires qui soient indépendantes et identiquement distribuées. Donc une des propriétés qu'on recherche assez souvent quand on fait de l'aléatoire, et donc de ne pas se retrouver à utiliser les mêmes nombres pseudo-aléatoires sur chaque nœud, en fait, sur chaque serveur de calcul. Voilà à peu près une des problématiques qu'on a, notamment quand on utilise des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je pense qu'on a pu aborder un certain nombre de choses, les raisons du besoin de simulation, des difficultés qu'on rencontre avec différents champs de recherche, et cette première simulation numérique qui était probabiliste. Donc moi, ça j'aime pas, hein, les probas, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, ça m'a un peu fait du mal d'en parler, mais bon, c'est important. Donc il y a une deuxième partie de ce podcast où j'ai essayé d'aborder des aspects beaucoup plus mathématiques sur les techniques de discrétisation, avec notamment les grandes techniques qu'on utilise pour les, on va dire, les simulations, notamment d'écoulement de fluide, électromagnétisme, etc. Et pour résoudre les problèmes qui se posent, et puis aussi un peu ce que l'informatique a été obligée de faire pour arriver à traiter tous ces problèmes quand ils devenaient trop grands, et ce que ça impliquait, et un peu comment l'informatique a évolué en même temps que les mathématiques. J'espère en tout cas que ça aura plu. Moi, jusqu'aux 623 dimensions, j'ai trouvé génial. Après, je me suis un peu perdu. Moi, j'ai trouvé ça bien à partir des 623 dimensions. Non, mais c'était le but aussi, je dis, Robin. Hein. Bon, on a parlé de ses phobies en début de podcast. Là, il est heureux que tu lui as parlé une langue qu'il comprend. Non, bravo. Bravo, David. J'ai constaté qu'il y avait des gens largement plus barrés que moi dans la chatroom. David Loureiro, on avait une question de Georges Macky, qui demandait si les simulateurs de pilotage professionnel pour l'instruction, si c'est bien basé sur des modèles. T'as une idée? Ah oui, je pense, ouais, ouais. Mais en fait, des modèles, on en a dans plein de domaines maintenant. Hein. Les jeux vidéo, assez souvent, on parle de modèles physiques pour simuler typiquement les explosions dans les jeux, par exemple dans les FPS. Mais oui, typiquement, ouais, clairement. Okay. Je pense que pour simuler typiquement l'impact du vent ou les effets de portance en fonction des différents types d'avions, etc. Ouais, je pense. Ouais. On avait une question adjacente de Georges Macky, enfin pas vraiment une question, plutôt une anecdote. Il relève qu'un ingénieur disait à propos de l'Airbus A380, ils volent exactement comme nos modèles. Ouais, ça doit faire un peu bizarre, quoi. Ouais. Je vois, tu sais pas si tu es aux commandes du vrai appareil ou dans le simulateur, c'est ça qu'il faut comprendre, je sais pas. Parce qu'en fait, à mon avis, un des gros trips des gens gens qui font l'aéronautique, et notamment les gens comme Airbus et Boeing, etc. C'est de, j'ai vu passer, je crois, un moment dans la chatroom, c'est l'avion virtuel, où en fait, ils peuvent reproduire, on va dire un peu tous les systèmes qu'il y a dans l'avion, donc en passant par la soufflerie, les lumières, la thermodynamique, parce qu'on a des températures extrêmement basses, etc. Et donc ils essaient de simuler un maximum tout ça. Et donc là, c'est le gros challenge actuellement des constructeurs, c'est vraiment de simuler totalement l'avion, quoi. Et je pense que oui, enfin surtout en plus la mécanique des fluides, qui est en fait le domaine qui est très utile en aéronautique. Enfin, maintenant, ça fait presque 30 ans qu'ils font de la simulation de manière intensive. C'est sûrement l'un des domaines où ça a été le plus utilisé, je pense. Les logiciels de simulation sont extrêmement complexes. Ils prennent en compte énormément de phénomènes. Donc qu'ils arrivent à être proches de la réalité m'étonne plus tellement, finalement. Alors, avait-on d'autres questions ? Non, on n'avait pas d'autres questions. Du coup, on va en rester là pour cette fois. Et puis, donc, on a bien compris qu'il y a une suite au dossier. Donc, du coup, on va négocier après dans les coulisses, on va fixer une date. Et puis, on aura le plaisir de t'entendre à nouveau très bientôt pour finir le sujet. Merci beaucoup, David. Merci de m'avoir accueilli. Merci. C'était cool de pouvoir faire ça avec vous. Merci à toi de nous avoir préparé tout ça, de nous avoir préparé tout un tas de versions de ton dossier, d'avoir été un rédacteur de dossier modèle, dirais-je. En tout cas, un truc, c'est je vous remercie parce que j'en suis à 127 épisodes de podcast écoutés pour l'instant. Mm-hmm. J'ai commencé, je pense, début septembre, donc ça fait presque 3 mois et demi que j'écoute ça. C'est vachement mieux que d'écouter les trucs les plus affligeants que la radio débite. Donc c'est cool. C'est mieux que les trucs les plus affligeants. Bah, écoute, merci. Forcément, tu trouves ça bien maintenant que tu y passes. Non, mais chouette, 127, donc tu viens d'entendre Gizin, c'est ça ? En fait, non, j'ai écouté de manière totalement aléatoire. J'ai écouté teaser, le numéro 0, dans la voiture en venant. Vraiment dans tous les sens, quoi. Excellent. Il y a des auditeurs plus conscients que moi, quoi. C'est ça. T'as toujours pas entendu le teaser, mais il dure 30 secondes, tu peux y aller. Ok. On va enchaîner avec. On entend toujours ton micro qui frotte contre ton col, David. Ok, ça marche. Je crois que Robin a un petit message personnel à faire passer. J'ai un petit message personnel à faire passer quand même, parce que donc, pendant l'émission, on a parlé des vieux ordinateurs avec leurs anciennes disquettes qui n'étaient pas des disquettes. Il y a un auditeur qui a dit ça s'appelle les cartes mémoire à tort, un truc comme ça. Et donc en fait j'ai reçu un texto de mon père qui est en train d'écouter l'émission en direct, et c'est lui qui m'avait refourgué cette vieille carte mémoire avec les fils de cuivre qui se croisent. Et comme en fait il est en train d'écouter l'émission en direct sans que je sois au courant, il m'a envoyé un texto pour confirmer que ça s'appelle une carte mémoire de tort de ferrite. Voilà. Bah parfait. Génial. Je trouve qu'on est dans l'interactivité totale, c'est absolument extraordinaire. Je dois peut-être même pouvoir, si vous voulez, vous trouver des images de ça, parce que je sais que j'avais regardé à une époque. Je vais essayer de chercher et vous en trouver une. Ouais, excellent. Génial. Puis on en profite tous pour saluer le papa de Robin. Exactement, spécial dédicace. Et on va enchaîner avec le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Exact, émission qui sera donc un débat préparé par Marie-Simon at Holly Hologram sur Twitter. Donc c'est probablement au lycée que l'on vous a collé pour la première fois l'étiquette de scientifique ou celle de littéraire, vous prédestinant par là même à un champ de la connaissance et à des types d'apprentissage spécifiques, mais également à un profil cognitif, voire à une personnalité, des manières fort indélicates qui auraient fait sourire Pascal, Newton, Pic de la Mirandole, Poincaré ou tout autre homme de science selon l'acceptation classique du terme. Et pourtant, cette filière, il faudra bien la choisir. Un choix peu aisé qui dépend pour beaucoup de la manière dont le lycéen, tout juste sorti de l'œuf, se représentera les disciplines à la lumière de leur enseignement. La première fois, nous causerons donc des sciences à l'école, et en particulier de ce que les structures disciplinaires disent de l'organisation académique du savoir. Qu'est-ce qu'une discipline ? Qu'est-ce qu'un champ du savoir ? Les cloisons disciplinaires bougent-elles ? Autant de questions passionnantes qui devraient déboucher sur un débat que l'on espère houleux. Voilà, donc on va parler de l'éducation la semaine prochaine. J'ai hâte. Bon, je peux ajouter peut-être une anecdote personnelle. On ne te colle pas forcément l'étiquette de scientifique ou de littéraire au lycée. peut te coller l'étiquette de cancre aussi, de cas désespéré. Je parle en connaissance de cause. Non, mais vraiment, vraiment très chouette. Alors, j'ai hâte d'avoir cette discussion. Hâte d'accueillir Marie. Merci David, une fois encore, d'avoir organisé tout ça. J'ai pas préparé grand chose, c'est surtout Marie qui a préparé des choses, mais on va voir ça la semaine prochaine. Donc le rendez-vous est pris, ce sera la semaine prochaine, le jeudi 19. On enchaîne avec la quote. David Loureiro, j'espère qu'on n'a pas oublié de te dire que les invités devaient venir avec une quote. Non. T'as fait tes devoirs alors. Ouais. C'est une quote que j'ai trouvée. Bon, là, sur la simulation, il y en a. Enfin, je suis peut-être pas assez cherché, après tu me diras, mais. Alors, elle est en anglais. Selon la tradition. Je veux bien la lire en anglais, après, je sais pas qui est-ce qui va la traduire. Donc, c'est. Simulations are believed by no one except those who conducted them. Experimental results are believed by everyone except those who conducted them. Donc, les simulations, personne n'y croit, sauf ceux qui les font. Et les résultats expérimentaux, tout le monde y croit, sauf ceux qui les expérimentent. C'est ça. Pas mal. Ouais, c'est excellent. On sait de qui c'est ? Alors celle-ci, en fait, c'est, j'ai l'impression que c'était un, je sais pas, un postdoc dans une conf obscure à Pittsburgh. Et en fait, apparemment, ça serait une adaptation d'une quote d'Einstein. Je m'avais mis le doute sur le fait qu'il ait vraiment dit. Tu cherchais un peu sur Internet et il y a pas mal de sources qui ont l'air de la donner. Donc a priori, il a dit ça un moment. Je sais pas, après avoir bu une bière, je sais pas. Mais et donc lui, en fait, c'était plutôt sur la différence entre la théorie et les expériences, en fait. Ah oui. Je suis très d'accord avec la version théorie et expérience, mais elle marche aussi bien avec simulation et experimental results. Ouais, elle me plaît bien. Un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière. On a eu un commentaire d'Alefto. Salut! Alan a fini son dossier en rêvant de collaborer entre Lefto et Couchetard. Ça se fait déjà, j'ai joué dans un temps à un MMORPG, dans un univers space opéra, les joueurs étant groupés en coalition, on avait des stratégies circadiennes en prenant compte de l'heure en Chine et en Corée où les coalitions ennemies lançaient les vagues d'attaque de nos bases aux heures où la France dort. Et on envoyait nos flottes de vaisseaux chargés de nos ressources voler dans l'espace juste à ce moment-là pour éviter les pillages et les destructions. J'admets, c'est peu productif au final, mais bon. Et ce type de jeu chronophage tente à démontrer des conséquences pathologiques. A plus, Lefto. Bah, c'est intéressant, tu vois, moi, j'en ai parlé comme ça, je savais pas que ça existait. Bon, parfait, merci Lefto. On a un autre commentaire sur le même dossier, le même sujet, d'Alnitam. Super intéressant et instructif. Sauf quand Monsieur Kerner m'écorche les oreilles en disant que l'horloge florale est comme les cadrans solaires, ça donne l'heure à la louche. Si vous parlez du cadran solaire que ma grand-mère a acheté en grande surface et qu'elle a accroché là où ça fait beau, d'accord. Mais sinon, un vrai cadran solaire est très précis puisque c'est le soleil lui-même qui donne l'heure. Et comme vous le dites dans le dossier, les rythmes lumineux sont tellement prévisibles qu'on peut savoir à quelle heure s'est levé le soleil il y a 2000 ans. Et cadran solaire, c'est mon dada, je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors Pierre a vu le commentaire, il a répondu, il a dit « C'est un péché d'ignorance, je ne pensais pas que les cadrans solaires pouvaient être si précis. J'attends maintenant le commentaire d'un jardinier furieux qui va m'annoncer que les horloges florales sont en réalité très précises. » Et voilà. Bon, on a bien sûr plein d'autres commentaires, mais on les garde pour la prochaine émission en freestyle. Là, je voulais juste rapidement revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière. On va faire quelques petits plugs pendant qu'on y est. Alors, on souhaite d'abord la bienvenue à notre nouvel auditeur, Adrien. Sans aucun doute, le plus jeune de tous nos auditeurs. On adresse nos sincères félicitations à ses parents. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation du papa pour dire de qui il s'agit. Peut-être qu'il n'a pas envie qu'on parle de son fiston à l'antenne. Alors, du coup, on va lui demander s'il est OK. On révélera son identité la semaine prochaine. Mais en tout cas, tous nos vœux de bonheur. Tout à fait, je seconde ces vœux. Autrement, deuxième semaine de l'opération sur Kiss Kiss Bank Bank de notre ami Pierre Kerner, donc pour un Saft 2.0, un Strange Stuff and Funky Things, encore plus beau, encore plus funky, avec une bannière qui déchire. Donc on vous a mis les liens dans les notes de l'émission, je vous copie tout de suite le lien dans la chatroom, il faut aller donner 5, 10, 20, 40, 50 ou 100 euros, c'est pour la bonne cause. Allez, c'est Noël, à votre bon cœur, monsieur, dame, allez-y. Autrement, vous signalez un apéro Sciences et Web le 31 qui aura lieu jeudi prochain, donc pendant le podcast. Mais bon, le podcast, vous pouvez toujours l'écouter en différé, alors que cet événement-là, si vous êtes à Paris, ça vaut la peine d'y aller. C'est un spécial « Les meilleurs blogs de science en français », donc la fameuse anthologie réalisée par l'agence Science Presse au Canada, à laquelle on a participé, à laquelle on va de nouveau participer l'année prochaine. Donc voilà, c'est l'occasion de toucher le bouquin en chair et en os. Ça se passe à La Penderie. C'est un restaurant dans le premier arrondissement de Paris, en France. Donc jeudi prochain, le 19 novembre, vous pouvez vous inscrire sur Facebook. On vous mettra là aussi le lien dans les notes de l'émission. Et puis autrement, un dernier petit plug pour les podcasts de David Xil, qui reviennent à la vie. Donc tu as un nouvel épisode de 12 minutes 2, puis un nouvel épisode de Vie artificielle dans une formule un petit peu différente. Tu nous en dis deux mots ? Oui, donc j'ai mis à jour les deux sites web suite au crash. Et j'en ai profité pour republier des épisodes. Alors, c'est deux petits épisodes. Un épisode de 12 minutes 2 qui est un retour rapido sur le revenu de base à l'occasion de l'initiative européenne à son sujet. Et Vie artificielle, c'est un épisode sur le surapprentissage. J'ai un plus gros épisode de 12 minutes 2 qui devrait arriver dans pas très longtemps. Et quelque chose de plus important aussi pour Vie artificielle, si jamais j'arrive à terminer de le monter enfin un jour. Voilà, mais oui, en effet, ça revient à la vie entre multiples projets. Bah c'est cool, ça fait plaisir. Bon retour à... Enfin, comment est-ce qu'on dit bon retour à tes podcasts dans la podcastosphère ? Ça nous manquait un peu. Ok, bah on va dire qu'on dit comme ça. Great. Ah, puis tiens, moi j'ai encore une annonce à faire qui devrait être un peu plus solennelle et plus pompeuse, mais voilà, je ne l'ai pas préparée. En fait, hier soir, j'ai eu la chance d'être élu président du Café des Sciences. Félicitations. Ouais, merci. J'ai pas encore eu l'occasion de présenter mon programme présidentiel, mais je vais pas tarder à le faire. Et puis bon, j'en parlerai un petit peu sur Podcast Science. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire. C'est une communauté absolument extraordinaire. Il y a plein de synergies possibles. Merde, c'est un mot interdit. Ça coûte combien déjà? Je sais pas, c'est un mot interdit. Mais enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire ensemble. Et puis je suis sûr qu'on va faire des trucs extraordinaires. Donc, tu veux dire que t'es président dictateur général, c'est ça? Alors je suis président d'un côté, d'un système très démocratique, et puis de l'autre, effectivement, je suis dictateur parce qu'il y a plein de matheux. Il y a un peu moins de matheux dans le Café des Sciences, alors ça va, c'est gérable en mode démocratique. J'espère, on verra. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi c'est interdit. Parce qu'on a une liste de mots interdits, c'est dans les statuts de notre association, et puis Synergie en fait partie. Je vais pas énumérer les autres, parce que autrement je vais me prendre des blâmes. Voilà. Surtout, je crois que la pénalité, c'est des transcriptions de dossiers, non ? Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, mais là, je crois qu'il y a joliment plus rien à retranscrire, en fait. si, moi, j'ai vu la liste de Julie, il en reste encore quelques-uns. Ouais, mais de moins en moins, j'en profite pour dire un immense merci à Alnitam, d'ailleurs, qui vient de se taper deux énormes retranscriptions. Ouais, c'est génial. Et à Julie aussi, qui synchronise tout ça brillamment. Exactement. C'est fou. Et qui en fait elle-même aussi. Exactement. Elle coordonne tout ça de main de maître. Elle gère un calendrier de mise en ligne pour que tout parte pas en même temps. Elle fait tous ces trucs hyper importants que nous on fait très mal et puis elle les fait très bien. Donc effectivement, vraiment merci Julie, c'est formidable. Et puis là on arrive au bout de l'émission, on va conclure. Donc comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes, de pas likes. On pourra bientôt, il y a un nouveau truc sur Facebook là qui doit sortir prochainement, ce sera les condoléances, non ? Ouais, je me rappelle plus. Ouais. Enfin, bon, c'est pas encore les unlikes, mais les condoléances. Parce que dire j'aime. Voilà, la compassion. Ouais, c'est ça. Dire j'aime, mais je suis pas sûr que ça. Enfin, je crois que c'est plutôt façon. Il y a un mec de Facebook qui a dit qu'ils envisageaient de faire le truc qu'en mode ça va sortir bientôt. Je me trompe peut-être. Ouais, mais quoi qu'il se passe ou pas sur Facebook, de toute façon, tout le monde en parle. C'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Donc voilà, vous aurez moyen d'exprimer votre compassion aussi bientôt. C'est merveilleux. En attendant, vous pouvez tweeter, retweeter, nous faire des clins d'œil, des cadeaux de Noël. Tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, sur l'Internet mondial. Vous retrouvez David Loureiro sur Twitter également. C'est David Loureiro FR, tout en un mot. C'est juste Loureiro, ça s'écrit L-O-U-R-E-I-R-O. Ouais, j'ai la chance d'avoir un homonyme qui chante du fado, donc j'étais obligé de rajouter ça derrière, quoi. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ouais, si tu veux, tape davidloureiro.com, tu vas voir, c'est pas moi. j'ai vu d'ailleurs que ton homonyme a même un fan club sur Facebook, mais. Ouais. Ça, c'est le même. J'ai mieux que ça, j'ai une entreprise qui s'appelle Robin Jamais, c'est Monsieur Robin et Monsieur Jamais qui se sont associés. Les pauvres. C'est des plombiers. J'adore. Ok, bah, n'oubliez pas non plus de soutenir la campagne Kiss Kiss Bang Bang de Pierre Kerner pour un Saft tout neuf et tout pimpant en 2014. Merci encore à nos poditeurs et tristes chéris d'être fidèles au poste chaque semaine. Un immense merci à Pouillot en particulier qui nous a fait des dessins en live dans la chatroom, juste extraordinaire. Vous les retrouverez dans les notes de l'émission. Pouillot, on le retrouve sur... Ouais, vraiment cool, hein. Pouillot, vous le retrouvez sur Twitter, c'est _PUYO_. Donc, @Pouillot, quoi. Et puis, ben, merci à David Loureiro pour nous avoir présenté ce dossier, à David Xil qui s'est chargé du suivi, du recadrage, tout ça. Et puis, merci à tout le reste de l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi 19 décembre à 20h30 pour parler pédagogie avec Marie. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie.